Chapitre 14. Mémoire des affections de l'âme. Et la mémoire conserve aussi les passions de mon esprit, non pas comme elles y sont lorsqu'il en est affecté, elle les conserve dans les conditions de sa puissance. Car je me remémore mes joies, mes tristesses, mes craintes d'autrefois, mes désirs passés, libres en ce moment de tristesse et de joie, de désir et de crainte. Et parfois, au contraire, je me rappelle mes tristesses avec joie et mes joies avec tristesse. Qu'il en arrive ainsi à l'égard des affections sensibles, rien d'étonnant. L'esprit est un être et le corps un autre. Que je me souvienne avec joie d'une douleur que mon corps ne souffre plus, j'en suis donc un peu surpris. Mais la mémoire n'est autre que l'esprit. En effet, si je recommande une chose au souvenir d'un homme, je lui dis « Mets-toi bien dans l'esprit ». S'il m'arrive d'oublier, ne dirais-je pas « Je n'avais pas à l'esprit ». Il m'est passé de l'esprit, donnant à la mémoire même le nom d'esprit. Cela étant, d'où vient donc, au moment où je me rappelle avec joie ma tristesse passée, la joie est dans mon esprit et la tristesse dans ma mémoire. Que l'esprit se réjouit de cette joie sans que la mémoire s'attriste de cette tristesse. Est-ce que la mémoire est indépendante de l'esprit? Qui l'oserait dire? En serait-elle comme l'estomac? Et la joie et la tristesse comme des aliments doux et amers qui passent et séjournent dans ces cavités, mais dépourvus de saveur? Il serait ridicule de presser davantage cette similitude, qui n'est toutefois sans vérité. Or, quand je dis que l'âme est troublée par quatre passions, le désir, la joie, la crainte et la tristesse, c'est à la mémoire que j'emprunte tous mes raisonnements sur ce sujet et toutes mes divisions et définitions selon le genre et la différence. Et ce souvenir des passions ne m'affecte d'aucun trouble passionné. Et il m'eût été impossible de les rappeler si pourtant elles n'eussent été présentes au trésor où je puise. Mais la mémoire ne serait-elle pas la rumination de l'esprit? Pourquoi donc alors la réminiscence de la joie ou de la tristesse serait-elle sans amertume ou sans douceur au palais de la pensée? Est-ce donc ce point de différence qui exclut toute similitude? Qui se résignerait en effet à proférer ces mots de tristesse et de crainte s'il fallait autant de fois qu'on en parle s'attrister ou craindre? Et cependant, il nous serait impossible d'en parler. Si nous ne trouvions dans notre mémoire non seulement l'image que le son de ces mots y grave par les sens, mais encore les notions des réalités introduites sans frapper à aucune porte charnelle, et sur la foi de sentiments antérieurs confiés par l'esprit à la mémoire, qui souvent elle-même les retient sans mandat.